la música como una vía de comunicación universal, una fiesta que ya se ha internacionalizado y en esta edición se celebran más de 250 ciudades y en 120 países. Hoy Lima vivió una fiesta y un par de provincias también, porque los músicos salieron a la calle, los profesionales, los amateurs, a celebrar y a hacer de la música algo espontáneo, una maravillosa iniciativa. Vamos a escuchar a Salif Keita en Sonidos del Mundo, acompañado de Cesárea Évora. Je t'aime, mi amor, es mi bestia.

son goût. Le monde sans dessus dessous, la terre meurt. Où allons-nous? Il est temps de prendre conscience que l'homme ne respecte rien, qu'il se fiche de l'existence des baleines et des dauphins. L'éléphant meurt pour son ivoire, la bête rare pour sa peau. Et dans les grandes marées noires, le mazout angle les oiseaux. La société consommatrice avance impunément ses pions, tandis que les arbres pourrissent dans les villes et leurs environs. La sécheresse se déchaîne, effaçant tout signe de vie, et certaines races humaines crèvent d'abandon et d'oubli. La terre meurt, l'homme s'en fout, oublie sa vie, un point c'est tout. Il met à son gré, à son goût, le monde sans dessus dessous. La terre meurt. Ya lo habíamos tenido en la semana, Charles Aznavour con su más reciente disco grabado en Cuba que se llama Color Mavi, una reflexión sobre el mundo en el que vivimos. Este artista armenio, en realidad francés pero de descendencia armenia, tiene más de 800 canciones en su tintero y 55 películas creadas. Pero más que un cantante y un actor de cine, ha querido siempre ser reconocido como un compositor. Es un gran creador de canciones, de letras, de lindas melodías. Nace en París en 1924, fue chofer de Edith Piaf, luminotécnico, secretario y otras cosas de Edith Piaf. Por supuesto se hablan muchas cosas a nivel personal, pero él ha desmentido que Edith Piaf era su amante o que él era amante de Edith Piaf. Dice que Edith no era de su estilo. Charles Aznavour en realidad se llama Janour Varenac Aznavourian, pero en Francia se quedó con Charles Aznavour. A los 83 años canta así. Peuple et les saisons, donne la guerre et dans sa ronde, ni la famine et l'exclusion. Le temps s'amuse et il invente un art de vivre d'innouveau. Certains chantent et d'autres déchantent dans ce siècle sur ses ergots. Ventre recul, peur ventre, l'incertitude, le pouvoir. Le pétrole et l'or sont le centre de ce que chacun veut avoir. Le peintre peint et le poète cherche la rime à sa chanson. Et des milliers d'analphabètes traitent les érudits de cons. Bien tout devient sans importance, aussi longtemps qu'on peut s'aimer. Chaque jour est un jour de chance, quel qu'en soit le prix à payer. Bien tout devient sans importance quand tu te lèves dans mes bras. L'amour, quoi qu'on en dise ou pense, reste le seul bien que l'on a. Paris s'éveille et tout s'allume, la ville est rue, tout resplendit. Paris nuit blanche sur bitume, entre pute et autres génies. Paris merveille sur la butte, où les couples cherchent l'amour. Viens, on s'étreint, on se culbute, pour un moment ou pour toujours. Ça telle éjaculation précoce des philosophes le bon doigt. On parle, on discute, et des os en buvant le vin de l'espoir. Artistes et créateurs s'expriment chaque jour des révolutions. La vive lumière illumine la raison, elle a des raisons. Bien tout devient sans importance, aussi longtemps qu'on peut s'aimer. Chaque jour est un jour de chance, quel qu'en soit le prix à payer. Bien tout devient sans importance quand tu te lèves dans mes bras. L'amour, quoi qu'on en dise ou pense, reste le seul bien que l'on a, reste le seul bien pour nous ici-bas. Una interesante iniciativa, la de Charles Aznavour. Siente que la vida le queda corta, tiene muchas cosas por hacer, y en este disco ha incluido tangos, mariachi, estilo de música mexicana, más bien al estilo de los mariachis, salsa, son y un poco de swing. Lo acompañaba el maestro Chucho Valdés. Estamos cerca de Navidad, pero no tan cerca como para evitar la música navideña. Lo que pasa es que hay momentos en que ya no la soporta uno. En diciembre ya no quiero un villancico más, un tema de Navidad más. Entonces vamos a aprovechar, ya que nadie está tocando esta música todavía, creo, espero no despertar el interés en las otras emisoras, para escuchar la voz maravillosa de James Taylor haciendo Winter Wonderland. Bells ring, are you listening? In the lane, snow is glistening. Beautiful sight, we're happy tonight, walking in a winter wonderland. Gone away is the bluebird, here to stay. Say, God, you're married, we'll say no, man, no. But you can do the job if you're in town. Later on, we'll conspire as we dream by fire. Face unafraid, plans that we made, walking in a winter wonderland. baby, it's cold outside. I've got to go away. Oh, darling, it's cold outside. This evening has been just hoping that you drop so in. So very nice. I'll hold your hands, they're just like ice. My mother will start to worry. Beautiful, what's your hurry? My father will be pacing the floor. Listen to that fireplace roar. So really, I'd better scurry. Beautiful, please don't hurry. Well, maybe just a half a drink. Why don't you put some music on while I the pour? The neighbors will think. Baby, it's bad out there. Say, what's in this drink? No cabs to be had out there. I wish I knew how. Your eyes are like starlight. To break the spell. I'll take your hat, your hair looks swell. I ought to say no, sir. Mind if I'm moving closer? At least I'm gonna say that oh, I tried. What's the sense in hurting my pride? I really can't stay. Baby, don't hold out. Oh, but it's cold outside. What are you doing with your coat? You don't need your coat. What are you putting your coat on for? It's warm in here. You don't understand. I simply must go. Baby, it's cold outside. Oh, the oh, darling, it's cold outside. This welcome has been lucky that you so dropped in. Nice and warm. Look out that window at that storm. My sister will be suspicious. Jeez, but your lips look delicious. My brother will be there at the door. Waves upon a tropical shore. My maiden aunt's mind oh, is vicious. But your lips are delicious. Well, maybe just a half a drink. There was never such a blizzard. Oh, I've gotta go home. Baby, you freeze out there. Say, lend me your coat. It's up to your knees out there. You've really been grand. I thrill when you touch my hand. But don't you see? How can you do this thing to me? There's bound to be talk tomorrow. Think of my lifelong sorrow. At least there will be. If you're caught pneumonia and I really can't stay. Get over that hold out, but it's cold outside. I bet it's cold outside. Baby, it's cold outside. Baby, it's cold outside. Cold outside. It's cold. Baby, you know that it's cold outside. It's cold outside. Darling, as a friend. Sure, James. As a friend, you must stay and warm up by this fire a little bit. Let me get you a hot toddy or something. Well, I really can't. I mean, my mother will worry about me. People are so suspicious. It's just innocent suggesting you stay warm and keep yourself healthy, that's all. It's nippy out there. It's cool. Well, you know, that drink does look kind of nice. It is a perfectly nice drink. Baby, it's cold out. Baby, it's cold. And it's warm. Baby, si estás planeando un evento muy especial, familiar o de negocios, y quieres salirte de lo común, hay un hermoso lugar en la ribera del río Lurín, en Cieneguilla, o al borde del mar, en la playa Caballeros. Sauce Alto Resort Club, la opción más original para realizar almuerzos, conferencias y otros eventos en contacto pleno con la naturaleza. Sauce Alto Resort Club. Tus mejores eventos, tus mejores momentos. Informes 610-3600. Sonidos del Mundo llega a ustedes gracias a la gentileza de Cerveza Cusqueña, porque la magia está en los detalles. Sauce Alto Resort Club, tus mejores eventos, tus mejores momentos. Y el BIF, abre tu cuenta genial del BIF, porque es la única cuenta de ahorros con sorteos mensuales donde tú eliges el premio. Un Audi o camioneta Cherokee, renovar toda tu casa, o si prefieres dinero en efectivo por un año, o un viaje a Europa para 4 personas y con bolsa de viaje incluida. Llama al 311-0011 para pedir más informes. Resolución directorial 3610-2007-IN-1501. Seguimos en Sonidos del Mundo con Diana Crowe. It's right in the USA. You hear them every day. A city much renowned. They call it the Wonder Town. And there's a story to be told about a city gone cold. The drugs in our neighborhood. The gunshots that pierce the air. A child was just standing there. It's Big City USA. There's so far away. There seems to be no end in sight. much time. Our future is on the line. And maybe the way we live is not all life can do. marco de Blues en Sonidos del Mundo, una gran cantante canadiense, Madeleine Peru, junto a William Gallison. Vamos a escuchar la misma versión, pero por Eric Clapton. Disfruten de la compañía de Sonidos del Mundo aquí en Radio Filarmonía 102.7 FM. shouldn't try what I'm gonna try. I shouldn't go where I'm gonna go. I shouldn't ask for what I'm gonna ask for. But I don't know better, I know I should go on. Beyond the superstition, and I don't know better, I know I should go on. Go on, go on, go on, don't stop. Cause I know you know, I know you know, I know you know that you should go on. Why? I'm on a mission beyond the superstition, and I don't know better, I know.